Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée donc à l'histoire des espions et de l'espionnage. Demain, le documentaire d'Anaïs Quin et de Séverine Cassard se repenchera sur un des cas les plus célèbres de la guerre froide, celui des époux Rosenberg. Mercredi, nous nous promènerons dans l'exposition Espionnage qui se tient ces temps-ci à Paris, à la Bibliothèque de littérature policière, en compagnie de ses commissaires, Bruno Fuligny et Catherine Chauchard, ainsi que de Jean-Louis Crémieux-Briac, qui eut à Londres à lire des messages envoyés par la résistance française alors qu'il était dans la France libre. Jeudi, nous débattrons de l'image des espions, traîtres ou patriotes. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir deux anciens de la DST, la direction de la Sûreté du Territoire, Raymond Nart, directeur adjoint de la DST pendant 10 ans, et Jackie Debin, qui fut donc directeur du contre-espionnage pendant 9 ans. Ils ont décidé tous les deux de donner leur vérité, vue de l'intérieur, de la fameuse affaire Farwell qui a stupéfié les services de contre-espionnage occidentaux dans la première moitié des années 80. Ils en ont fait un livre, il s'intitule « L'affaire Farwell vue de l'intérieur », il est publié aux éditions Nouveau Monde. Bonjour Jackie Debin. Bonjour. Et bonjour à vous Raymond Nart. Bonjour. Et merci d'être avec nous tous les deux donc pour évoquer ce livre dans lequel vous racontez votre vérité sur l'affaire Farwell vue de l'intérieur aux éditions Nouveau Monde. Alors il faut peut-être rappeler à nos jeunes auditeurs ce qu'est cette affaire. Leur mémoire a peut-être été rafraîchie par un film il y a 4 ou 5 ans avec Guillaume Canet dans le rôle donc d'un espion français, enfin, plutôt de quelqu'un qui rencontrait justement le soviétique Vladimir Vetrov à l'époque, mais néanmoins il faut peut-être leur dire ce qu'est cette affaire Farwell qui a été connue un peu tardivement, mais qui évidemment est apparue comme une des grandes affaires de contre-espionnage française de ces 50 dernières années, Raymond Nart. Alors cette affaire-là peut se résumer de la manière suivante. C'est une pénétration opérée par la DST, Service français, du système de renseignement soviétique et singulièrement du KGB. On est avec le KGB au cœur du système soviétique. Alors expliquez-moi tout de même, parce que je croyais comprendre que la DST normalement s'occupait du territoire national. Alors pourquoi la DST se retrouve-t-elle prise dans une affaire qui a plus de racines du côté de Moscou et du Budapest que de Paris ou du Gers dont vous êtes originaire, Raymond Nart? C'est exact. Il faut dire que c'est une décision du président de la République de l'époque, François Mitterrand, qui a décidé donc de laisser à la DST le privilège de développer cette affaire qui avait été donc découverte par ce service. Et c'est tout simplement pour des raisons de commodité, de facilité. C'est toujours compliqué de passer une affaire de ce genre qui, dès l'origine, est apparue comme étant très importante, de la passer à un autre service. Il faut changer les hommes, etc. C'est compliqué. Et cette affaire d'espionnage, elle a pour base aussi, il faut le dire, et c'est un argument donc dans le sens de ce que je viens de dire, c'est une affaire qui s'est déroulée intuitu personae entre des personnages qui se connaissaient de longue date, qui d'ailleurs. Se faisaient confiance. Qui se faisaient confiance, enfin il y avait une confiance mutuelle, et c'est difficile de transférer la confiance. Alors, d'un homme à un autre. On en parlera sûrement, mais il faut dire aussi que ça entre dans un contexte aussi... Alors, on parle souvent, quand on parle de la police, de guerre des polices, mais aussi de relations qui peuvent être tendues entre les services de sûreté du territoire, la DST, donc, et puis le SDES, qui est devenu ensuite la DGSE, donc, en l'occurrence, qui doit s'occuper normalement des services extérieurs, de ce qui est du contre-espionnage extérieur. Vous dites d'ailleurs dans votre livre à deux ou trois moments que le SDES n'était pas du tout placé en bonne manière, en particulier à Moscou, et qu'on ne pouvait pas trop espérer sur lui pour pouvoir résoudre ce type d'affaires. On voit bien qu'il y a derrière quand même des conflits de service aussi, ou pas, alors, Raymond Nart. Effectivement, il y en avait. Oui. Effectivement, il y en avait des conflits de service, notamment au niveau, disons, au niveau sommito. En revanche, le personnel, il n'y avait pas trop de problèmes. Il y avait au contraire parfois même des connivences et on arrivait à travailler ensemble sur certaines affaires. C'était un problème de chef. Jackie Demain, comment êtes-vous venu, vous, donc, sur cette affaire Farwell, à vous intéresser à cette affaire qu'on a appelée ensuite l'affaire Farwell, donc, et en l'occurrence, une affaire qui concerne d'abord Vladimir Vetrov. Qui était-il et comment êtes-vous venu à vous intéresser à ce personnage-là, Jackie Demain ? Moi, c'est tout simple. Je travaillais dans la division qui s'occupait des affaires soviétiques, qui à l'époque était dirigée par Raymond Nart. Donc, c'est tout naturellement que je suis arrivé à traiter cette affaire. Alors, quand on dit une division chargée des affaires soviétiques, il faut se remettre dans le contexte de la guerre froide, c'était d'abord pour pouvoir opérer sur le territoire français, voir qui étaient, par exemple, ceux qui, venant d'Union soviétique, opéraient sur le territoire français, qui faisaient de l'espionnage d'une façon ou d'une autre, et essayer de les repérer, c'était ça. Oui, la direction de la surveillance du territoire, effectivement, était le service français de contre-espionnage, et nous étions chargés de surveiller les activités des officiers de renseignement soviétiques sur le territoire français. Pour avoir une petite idée, idée qui sera précisée au cours de notre discussion et de l'avancée de l'affaire Farwell, on imaginait à combien le nombre d'agents vivant sur le territoire français venant d'Union soviétique, c'était combien ? Eh bien, c'est une organisation qui était extrêmement, extrêmement complexe. Donc, le nombre varie selon que l'on s'adresse aux officiers de renseignement opérationnels véritablement, c'est-à-dire ceux qui tentent de recruter des agents, les services techniques qui, depuis l'ambassade, effectivement, écoutaient nos communications, et un certain nombre de personnes qui se trouvaient dans la société française sous des couvertures, évidemment, de façon totalement clandestine. Un ordre d'idée pour ces alors, trois types de personnel. Alors, les opérationnels étaient environ 150. 150 avec derrière des supports qu'on peut chiffrer à également 150. À cela, il fallait ajouter, bien entendu, tous les officiers de renseignement des services frères, qui étaient à peu près au nombre de 150, 180, ce qui faisait... Services frères, précisons, pour ceux qui ne se souviendraient pas qu'avant le mur de Berlin, il y avait donc un bloc qu'on appelait le bloc de l'Est, c'était donc les services polonais, roumains, bulgares, etc. etc. Oui, tout à fait, qui apportaient effectivement une contribution à l'espionnage soviétique. Alors, on sait que les affaires d'espionnage sont des affaires qui durent longtemps. Et quand on vous lit, on s'en aperçoit, effectivement, qui prennent leurs racines très haut dans le temps et qui ensuite se développent progressivement avec beaucoup de patience, pourrait-on dire, Raymond Nart. Cette affaire-là, l'affaire Farwell, appelée affaire Farwell, donc autour de ce personnage qui était Vladimir Vetrov, qui transmettra énormément de documents donc, à votre service, à la DST, puis ensuite, documents qui sont transmis à des alliés plus tard, au début des années 80. Cette affaire-là, on peut dire qu'elle remonte à quand exactement ? À 1965, au moment où Vladimir Vetrov est nommé en France, et il y reste 4 ou 5 ans, je crois, jusque dans les années 70, début des années 70. Il a quitté la France, effectivement, en 1970, après avoir fait un séjour d'un tout petit peu plus de 4 ans. Et si vous voulez, l'affaire, finalement, elle débute... au moment du départ, donc en 1970, où cet homme-là a eu des problèmes personnels au moment de son retour donc en Union soviétique. Et ces problèmes personnels qui ont été aggravés, d'ailleurs, par un accident de voiture qu'il a eu en état d'ébriété avec une voiture... À Paris, une voiture qui n'était pas la sienne, une voiture de l'ambassade qui n'était pas la sienne, etc. Ce qui, à l'époque, était une faute de service assez considérable. Et naturellement, donc, il s'est posé la question de savoir... comme on disait à l'époque, s'il devait ou non rester en France, c'est-à-dire choisir la liberté. Il avait des états d'âme, Et l'affaire, elle a vraiment commencé à ce moment-là. En 70. Au repas qu'il fait avec sa femme et Jacques Prévost. Prévost, c'était l'ami de Thomson, qui était... Qui travaillait à Thomson CSF à l'époque, et qui était le patron des affaires, qui était très importante, de Thomson avec l'Union soviétique. Alors tout de même, ce que vous oubliez de raconter, Raymond Nart, c'est que vous avez pris contact avec ce Jacques Prévost dès 1966, donc ça remonte très loin, oui. Et que vous lui avez suggéré peut-être de tisser des liens, discuter avec cet homme, Vladimir Vetrov, et d'une certaine façon, non pas de le retourner, mais d'obtenir de sa part... et de la part d'autres officiels soviétiques, si c'était possible, des renseignements, donc, sous couverture de sa direction des affaires internationales de Thomson CSF, qui l'emmenait du côté de l'URSS assez fréquemment. Donc, ce Jacques Prévost est un agent français, et il travaille pour vous. Il rencontre des gens, Vladimir Vetrov. Dans cette année 66-70, il fait son travail. Et quand Vladimir Vetrov va partir en 1970, il laisse entendre que l'un et l'autre, qu'ils se reverront à Moscou, bien évidemment, ce qui va être le cas, et que ces liens ne seront jamais véritablement interrompus, Raymond Nart. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jacques Prévost, il avait un intérêt à rencontrer des Soviétiques ici à Paris, à la mission commerciale, où était en poste Vladimir Vetrov, pour faciliter les démarches administratives, la bureaucratie soviétique. Pour tout simplement faire des affaires. Donc il avait un intérêt, disons commercial. En ce qui concerne Vetrov, lui-même avait un intérêt, disons, à fréquenter Jacques Prévost, étant du KGB, pour obtenir des renseignements. Alors, en particulier des renseignements technologiques, parce qu'il faut se souvenir que dans ces années-là, ce que cherche beaucoup l'Union soviétique, c'était la technologie française. Et de préférence, la technologie militaire, de la technologie de pointe. Donc, on peut considérer Jacques Prévost, si vous voulez, comme un honorable correspondant. Mm-hmm. La première fois que je l'ai vu, je lui ai demandé, naturellement, de rendre compte, c'était tout simple, de rendre compte de ses contacts avec... de ses différents contacts avec Vladimir Vetrov, ainsi que ses collègues, s'il les rencontrait. Et donc, il le faisait de manière régulière et avec une certaine bonne volonté, il faut le dire. Alors, Jacky Debin, comment convainc-on quelqu'un qui travaille dans une entreprise, certes nationale ou nationalisée, de travailler pour le renseignement français, c'est-à-dire de faire en sorte que, à la fois, en parallèle de son activité commerciale, eh bien, il y ait une activité justement de transmission de données, de transmission de faits qui permettent au contre-espionnage français de faire son travail, en l'occurrence, Jacky Debin. Eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, il y a beaucoup de patriotes en France. Et nous n'avons pas de difficulté, je ne dirais même pas à convaincre ces gens-là, ça se fait souvent naturellement, à entretenir des contacts avec un certain nombre de décideurs, de commerciaux, etc. Enfin, dans toutes, d'ailleurs, les couches de la société. Et c'est une des choses, moi, que j'avais remarqué en arrivant à la DST, c'est que la DST, c'est un service, en principe, mystérieux. Moi, je me souviens, avant, on parlait des agents de la DST. Lorsque l'on va voir ces gens-là... dans des entreprises, un petit peu partout, on est, la plupart du temps, bien accueillis. Je ferai quand même, il y aurait quand même un bémol, peut-être les laboratoires, où les laboratoires où on fait des recherches fondamentales, on n'a pas toujours les pieds bien dans le concret, et on nous parlait parfois de fantasmes. Mais dans les autres milieux, on n'avait pas de problème pour rester en contact avec ces gens-là. Et on a eu, avec le baron Hameil, on a eu un exemple absolument lumineux d'une personne qui nous a aidé, qui a pris des risques, qui s'est même pris au jeu. Alors, on va en parler tout de suite de Xavier Hameil, mais auparavant, suivons les pas de ce Vladimir Vetrov. Il quitte Paris en 1970, il rencontre son ami Jacques Prévost à de nombreuses reprises à Moscou entre 70 et 1973, et puis plus rien. Plus rien, on n'entend plus parler de lui. Et Raymond Nart, il réapparaît quand ? En 1980, donc près de 10 ans après son départ de Paris, avec un message qui apparaît comme un message évidemment intéressant pour quelqu'un qui, comme vous, fait du contre-espionnage à la DST. Il vous dit, en fait, ma femme et moi sommes sains et saufs, message envoyé de Budapest par son beau-frère, c'est ça ? Tout à fait. Alors, cet homme qui avait été, Vladimir Vetrov, qui avait été sidéré par son séjour en France, qui était, assez porté vers la culture française, etc., eu égard à ce qui se passait en Union soviétique, il est rentré très déçu. Et ce qu'il faut dire aussi pour bien comprendre cette affaire, c'est que l'accident de voiture dont on a parlé a été réglé par Jacques Prévost, qui s'est débrouillé d'une manière ou d'une autre, pour que non seulement la voiture soit réparée dans des délais défiant toute concurrence, à un prix également défiant toute concurrence, il aurait mieux valu acheter une voiture neuve, mais tout simplement, l'affaire a été réglée. Donc, il y a eu une amitié qui s'est créée, vraiment, on peut dire, à la vie, à la mort, car à un moment donné, dans un de ses messages, il dit « c'est une question... » de vie ou de mort. C'est en décembre 80. En décembre 80. Donc, et des messages qu'il envoie à Jacques Prévost. Justement. À Jacques Prévost, toujours Jacques Prévost. Il s'est naturellement toujours souvenu de cet homme, bien que revenu là-bas, en Union soviétique. Il a été dans une... dans son service, comme c'était l'habitude d'ailleurs, repris un peu en main, disons, par... la hiérarchie, la bureaucratie, etc. Et puis, c'était un officier qui était destiné, qui connaissait très bien le français, la culture française, comme je l'ai dit. Et naturellement, il était destiné à revenir dans un pays francophone. Mmh. Et donc, au bout d'un certain temps, disons dans les années 75, je pense, sauf erreur de ma part, il a été réaffecté à l'étranger. L'étranger de l'Union, donc c'était en l'occurrence le Canada. Là où il a été contacté par les services canadiens d'ailleurs, qui ont tenté de le prendre en main. Il est resté peu de temps au Canada, peu de temps au Canada. Mais c'était une personnalité assez fantasque, il faut le dire. Et donc au Canada, ça ne va pas bien se passer, son séjour sera bref. Voilà, 73-74, il revient en URSS et là donc il fait reparler de lui en 1980 par divers messages envoyés donc à Jacques Prévost. Et là, vous vous dites, il faut faire quelque chose avec ce Vladimir Vetrov. Il a tenté de contacter aussi à la foire internationale de Moscou des gens qui passaient par là. Donc il y a plusieurs contacts qui sont pris et on s'aperçoit qu'il est peut-être mûr pour travailler avec les services français. C'est ce qui se passe, Jacky Demain ? Oui, à ce moment-là, je dirais que c'est quand même que sa volonté de reprendre contact avec nous est très claire et s'est exprimée à travers plusieurs contacts. Il a dû d'ailleurs attendre un certain temps, parce qu'il contacte en novembre 80, je crois. Dès octobre 80, il fait passer le message. Et il faudra attendre le début de 1981 pour que véritablement un contact soit pris. Oui, il faut toujours éviter dans ce cas-là les provocations. Et si quelqu'un est tout à fait motivé, il est certain qu'il va revenir. Ça n'est pas parce qu'on n'a pas répondu la première fois qu'il ne va pas refaire une tentative. Alors c'est là qu'entre en jeu justement ce Xavier Hamey, donc du côté de Moscou, qui lui aussi travaille pour une société française et qui n'est pas du tout, a priori, un espion ou un contre-espion, mais qui va se prendre au jeu, comme vous le disiez tout à l'heure, Jacky Demain. Oui, effectivement, c'est nous, comme nous le disions donc, au début de cette émission, nous sommes service de contre-espionnage, donc limité au territoire national. Et il fallait donc, pour reprendre contact, quelqu'un qui soit naturellement en poste à Moscou, qui puisse se déplacer et qui puisse avoir un premier contact avec Vladimir Vetrov. Et en l'occurrence, donc, Raymond Nart a fait une démarche, bien entendu, pour obtenir l'autorisation pour ce grand Français de prendre contact donc, avec Vladimir Vetrov. Et alors, ce qu'il a fait au début... Devant un magasin Beryushka d'abord, et puis ensuite très régulièrement, avec des rencontres très régulières. C'est important parce que c'est à ce moment-là qu'il convainc Vladimir Petrov de la nécessité de travailler pour... Il est déjà convaincu, mais d'envoyer de plus en plus de documents. Et ce sont combien? 3 000 à 3 500 documents qui vont finir dans vos filets, en l'occurrence. 3 000 documents, oui, c'est ça? 2989, on a fait en sorte de ne pas arriver à 3 000. On a fait beaucoup d'efforts pour ne pas arriver à 3 000. Pourquoi il ne fallait pas arriver à 3 000? Parce que ça faisait un peu... Trop rond. Un peu un chiffre rond et on ne voulait pas avoir de chiffre rond. Et puis 2989, voilà, c'est pas mal. Alors, ce qu'il faut dire sur Xavier Hamel, c'est que les correspondances, les signaux faits par Vladimir Petrov étaient naturellement, comme on l'a expliqué, adressés à Jacques Prévost. Mm-hmm. Et c'est Jacques Prévost qui vous met sur la piste de Jacques Xavier Prévost, Hamel. La question était de savoir... Qu'est-ce qu'il voulait, véritablement, Vladimir Petrov? Est-ce qu'il veut de l'argent? Est-ce qu'il veut de l'argent? Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il veut choisir la liberté? Donc, la question était simple. Choisir la liberté, dans votre langage à l'époque, ça voulait dire revenir en France. Revenir en France, voilà, c'est ça. Ce qui était une solution un peu compliquée, je l'avoue. Mais, si vous voulez, le premier problème, c'était de savoir si Prévost, son ami de toujours, se rendrait à Moscou pour poser... la fameuse question, qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Puisque vous nous dites, dans un de vos messages, c'est une question de vie ou de mort. Donc, tout à fait simplement, j'ai demandé à Jacques Prévost, quand est-ce que vous allez à Moscou? Parce qu'il avait l'habitude de faire des déplacements de manière périodique. Mais, et lui, ne veut pas y aller. Et alors, pour une raison, pour deux raisons, à mon avis. Il n'avait pas... disons, un voyage qui était programmé dans un délai relativement raisonnable par rapport aux demandes de contact. Et il n'avait rien de prévu. Ce n'était pas simple à l'époque d'aller à l'Union soviétique. Il fallait une autorisation. C'était compliqué des soviétiques. Et donc, il me dit... mais... Et puis, deuxième raison aussi, je pense que Jacques Prévost ne voulait pas trop mélanger les genres. Et il avait raison, il faisait du commerce. Mmh. Et par-dessus le marché, lui demander de faire cette démarche, j'ai senti que ça le gênait. Je lui ai dit, et c'est lui qui, plutôt, je lui ai dit, vous ne pouvez pas y aller, quand est-ce que vous irez? Mais il me dit, c'est pas grave, je ne peux pas y aller, certes, mais j'ai mon représentant là-bas, M. Xavier Hamel, qui vient la semaine prochaine à Paris. Et il m'a donc proposé... Vous êtes renseigné sur ce Xavier Hamel. Bien sûr. Et vous avez vu qu'il pouvait faire son travail. J'ai vu que c'était un homme tout à fait honorable, etc. Et qu'on pouvait lui demander de poser la fameuse question. Alors, il va poser la fameuse question. Il va devenir, aux yeux de certains, celui qu'on appelle le trapéziste, en l'occurrence, parce qu'il va travailler sans filet. C'est comme ça que certains l'ont appelé, en l'occurrence, Jacques Debin. Oui, l'un des nos collaborateurs dans cette affaire, effectivement, l'avait appelé le trapéziste. En l'occurrence, c'était Bernard Rouault. Et il n'avait pas de couverture diplomatique. Ouais. Donc il risquait beaucoup. Oui, il risquait simplement d'être attrapé par le KGB et d'aller en prison. Mm-hmm. Donc on était, durant toute cette affaire, quand même, on était quand même très très très très très inquiets. Mm. Alors cette affaire se déroule à un moment clé de l'histoire française, pourrait-on dire, et mon art, puisqu'elle a lieu au printemps 81. Valéry Giscard d'Estaing est candidat à sa succession. François Mitterrand, lui, conteste cette succession. François Mitterrand va être élu président de la République avec des ministres communistes au gouvernement. Et donc, la question, c'est, pour celui qui dirige à l'époque la DST, Marcel Chalet, c'est que fait-on? Est-ce qu'on en parle aux deux? Est-ce qu'on en parle à un seul? Est-ce qu'on parle aux deux candidats de la possibilité qu'il y ait donc des informations qui nous tombent et des informations de très haut niveau qui nous tombent pendant cette période? Que faisons-nous? Qu'est-ce qu'il décide, Marcel Chalet, en l'occurrence, au Monarque? Marcel Chalet, il a, si vous voulez, il a été d'abord prévenu par nous-mêmes, Jacques Debin et moi, très tardivement, il faut dire. À la DST, on a la culture du compte-rendu. Mm. Du compte rendu immédiat, certes. Et pourquoi celui-là n'était pas immédiat? Ceci n'était à condition que les chefs soient là. Mmh. Or, Marcel Chalet, par le plus grand des hasards, à l'époque, il n'y a pas eu de chef pendant plusieurs semaines, sinon 2-3 mois, à la DST. Ça vous arrangeait bien, tout compte fait, vous pouviez continuer Pas tellement, pas tellement. Pas tellement. Le problème était que Marcel Chalet avait subi à l'époque une opération un peu compliquée, et que le directeur adjoint de l'époque, Désiré Parent, et lui-même était atteint d'une très grave maladie. Et donc, c'était très compliqué d'avoir un interlocuteur d'un certain niveau pour éventuellement prendre des contacts politiques. Ah oui, parce qu'à un moment, il faut que ça passe au niveau politique. À un moment donné, ce type ça peut pas rester entre vous. Ça pouvait pas rester entre nous. Donc, on a eu un moment de comment dire, où il a fallu piloter nous-mêmes. On a essayé de faire pour le mieux et de sauvegarder l'affaire pour que le moment venu, disons, les décisions politiques puissent être prises. Alors, pour répondre tout à fait à votre question, Marcel Chalet, d'abord, on a commencé à être éclairé sur la réalité de l'affaire que vers le 10 ou 15 mars. C'est ça. Puisque le premier contact de Xavier Hamel avec Vladimir Vetrov a lieu le 5 mars. A lieu, le coup de téléphone a eu lieu le 4 mars au soir et le lendemain, aussitôt, le 5 mars. Donc, on est déjà pas très loin du 10 mai. Et là, il photocopie, en l'occurrence, des documents. Xavier Hamel photocopie des documents que lui transmet Vladimir Vetrov. Absolument. Il faut un certain temps pour qu'ils arrivent à Paris, qu'ils soient déchiffrés. Et donc, ça prend un certain temps. Et vous commencez à avoir une petite masse de documents. Hein, alors, effectivement, aux environs au début avril, disons, on avait à peu près une première évaluation de la teneur des documents. Qu'est-ce qu'il y a dans ces documents, Jacky Debin ? Bien, Vladimir Vetrov était, je dirais, une espèce de carrefour du renseignement. Il recevait les renseignements, il les analysait, il les redistribuait. Ce qui fait que dans ces documents, il y avait un petit peu de tout. Il y avait des résultats de recherche qui avaient été faites par les officiers de renseignement. Il y avait des synthèses, il y avait des documents également qui avaient été résumés, analysés et retransmis. Donc c'était quelque chose de très riche qui nous permettait déjà de voir quelles étaient les possibilités de Vladimir Vetrov en matière de recueil et de retransmission donc de renseignements. Alors pendant quelques mois, quelques semaines, un peu plus de 2 mois, donc c'est Xavier Hamel qui va rencontrer ce personnage, Vladimir Vetrov, et puis à un moment vous vous dites c'est risqué, il faut peut-être passer la main étant donné la teneur des documents à un professionnel du renseignement, et là, vous envoyez un couple, en l'occurrence, qui n'est pas les faux époux Turange qu'on connaîtra plus tard, mais qui sont le couple donc Marguerite et Paul, à savoir Madeleine et Patrick Ferrand, qui sont des officiers, lui est officier, et il va rencontrer, passer la main, reprendre la main depuis Xavier Hamel, le 29 mai 81. Entre-temps, évidemment, le nouveau gouvernement est arrivé. Voilà. Raymond Nart. Alors, ce qui s'est passé, lorsque Marcel Chalet a été avisé de cette affaire-là avec Jacky Debin, nous lui avons mis sur son bureau un soir. Il rentrait de cette fameuse opération qui avait été assez dure pour lui. Il est convoqué par un juge d'instruction au palais de justice relativement à l'affaire, à l'assassinat en France de Curiel. Et naturellement, la DST n'avait rien à voir là-dedans. Henri Curiel, donc Henri Curiel, militant internationaliste. Un internationaliste anti-apartheid, bien sûr, mais pro-israélien, enfin, un personnage très compliqué. Et donc, ce soir-là, j'ai pris contact avec Marcel Chalet. Et nous avons, avec Jacky Debin et puis notre de nos collaborateurs, mis sur la table du directeur de la DST un paquet suffisamment conséquent de documents. Et je lui ai dit, monsieur le directeur, vous avez sur votre bureau des documents qui viennent en direct du KGB. Et il m'a dit, mais vous plaisantez, Raymond. Et ça vous fait sourire encore, Jacques Debin, ce moment-là. Oui, Raymond a bien entendu répondu, je ne me le permettrai pas, monsieur le directeur. Bon, j'avoue qu'à sa place, on pouvait être tout à fait surpris. Alors, oui, parce qu'il ne connaît rien, il le découvre à ce moment-là. Oui, il le découvre à ce moment-là. Et alors, l'aspect tout à fait positif, c'est que Marcel Charlet est un grand professionnel. Et que immédiatement, il a senti que cette affaire était une affaire extrêmement, extrêmement importante. Et il a réagi tout à fait en professionnel. Il n'a mis à aucun moment en doute, l'authenticité des documents qu'il avait devant lui. Et très, très rapidement, il est passé à la phase opérationnelle. Et il a dit, je me souviens exactement, Raymond, il faut que vous recrutiez quelqu'un pour traiter de façon professionnelle, sous couverture diplomatique, cet agent. Et c'est comme ça que vous recrutez donc Patrick Ferrand. Alors, j'avais eu le temps de réfléchir à la suite de l'affaire, puisque, comme j'ai déjà dit... Vous aviez un coup d'avance, ce qui est toujours bien pour quelqu'un qui pratique le contre-espionnage. L'habitude aussi, dans l'administration française, c'est quand on pose un problème à une autorité, il faut avoir la solution. Voilà. Et Marcel Chalet m'a dit, Raymond, il faut recruter quelqu'un avec une couverture diplomatique, recruter un diplomate. Et j'ai aussitôt stoppé Marcel Chalet en lui disant, c'est pas la peine, monsieur, j'ai un ami qui est là-bas, qui est sous couverture diplomatique, puisqu'il est attaché militaire adjoint, et il s'agit de Patrick Ferrand, que je connaissais. Et que avec qui j'avais lié une sorte de relation professionnelle qui était au fil de nos rencontres devenue un peu amicale. Et je l'ai plongé sans son autorisation. Dans cette affaire. Et sans son autorisation, mais non seulement lui, mais sa femme aussi. C'est ça qui est intéressant dans cette affaire, Jacques Debin. Parce que, un peu curieusement, d'abord, il faut faire comprendre à Vladimir Vetrov qu'il va changer d'interlocuteur. Il a confiance dans le premier. Aura-t-il confiance dans le second? Ça va peut-être être compliqué. Et puis, secondo, qu'il n'aura plus un seul interlocuteur, mais tout compte fait deux, puisque Madeleine, à savoir son pseudonyme est Marguerite, va aussi participer de près ou de loin comme agent de liaison à cette affaire-là. Et c'est d'ailleurs elle qui prendra la première fois contact avec Vladimir Vetrov, Jacques Debin. Oui, elle va avoir un rôle absolument capital. C'est elle d'ailleurs qui recueille les documents. Les rôles sont partagés. Il y a dans cette affaire un aspect humain qui est absolument essentiel. Vladimir Vetrov n'est pas quelqu'un qui est très, très facile. Alors, lui-même, d'ailleurs, veut organiser les rencontres avec un argument qui n'est pas effectivement idiot. Il dit, moi, je suis sur place, j'appartiens au KGB, je sais comment ça se passe, et c'est moi qui vais prendre mes propres mesures de sécurité. Donc, Patrick, s'occupe du personnage, il lui parle. Vetrov veut parler en français parce qu'il aime beaucoup, beaucoup la France, il aime beaucoup la culture française. Et en ce qui concerne le recueil des renseignements, c'est Madeleine, donc, qui au marché de la Vavilova, va recueillir dans le panier de la ménagère, au milieu des carottes, des poireaux, etc., les documents que Vladimir Vetrov va soustraire donc à son service et va remettre aux Français. Alors, il faut passer quand même à la politique, et ça va se faire à un moment un peu particulier, puisque c'est le 14 juillet, à la fin donc de cette belle journée pour la gauche française qui a été le 14 juillet 81, donc en plein milieu de ce qu'on appelle l'été de grâce, que va tomber donc la nouvelle auprès de François Mitterrand à l'Élysée. Marcel Chalet va dire, devant Pierre Bérégovoy, qui est secrétaire général de l'Élysée, et deux ou trois autres personnes, va raconter cette histoire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des communistes au gouvernement, il faut s'en souvenir. Et c'est une des craintes, effectivement, en particulier des alliés du camp occidental, que de voir tomber la France de l'autre côté. On sait qu'il n'en sera rien, parce que le discours de Bonn et du Bundestag plus tard viendra donc dire que la France reste du côté de l'alliance donc avec les Américains en particulier et les Britanniques et de l'Europe de l'Ouest en l'occurrence, mais il y a des craintes. Donc j'imagine que Ronald Reagan, que Margaret Thatcher ne sont pas très heureux de voir arriver François Mitterrand avec les communistes au pouvoir. Ça va servir, ça. Alors, Ce qu'il faut dire, c'est que Marcel Chalais, qui était un policier de statut, c'était un diplomate et un excellent diplomate par nature. Donc, la chance a voulu que le Premier ministre, ministre de l'Intérieur fut Gaston Defferre. Mmh. Et Gaston Defferre, naturellement, c'est bien connu, c'était un ancien résistant, et Marcel Chalais aussi. Et dès la première rencontre, on peut dire le premier soir où... Et tous deux, en tout cas pour Gaston Defferre, très anticommuniste, donc d'une certaine façon, on ne peut pas le soir où il a été ministre, il a fait une visite à la DST. Le premier soir. Et là, Marcel Chalais, donc... a commencé à nouer une relation avec lui qui a été empreinte de confiance. Et dès le premier soir, il lui a dit « J'aurai dans quelques jours à vous parler d'une affaire importante. Venez me voir quand vous voulez. » Il lui a dit quelque chose comme ça. Donc Marcel Chalais a laissé passer un certain nombre de jours. Et puis finalement, donc, il a expliqué l'affaire à Gaston Defferre, lequel a dit immédiatement « Il faut en parler au président ». Et donc la rencontre du 14 juillet s'est déroulée en présence donc, de Gaston Defferre, de son chef de cabinet, le préfet Grimaud, de Bérégovoy, qui était secrétaire général de l'Élysée. Et cette délégation, si l'on peut dire, s'est rendue chez François Mitterrand après la réception traditionnelle du 14 juillet. Alors donc, c'est là où vous avez d'une certaine façon le feu vert, en l'occurrence, Jacky Debin et Raymond Nard, vous avez le feu vert, Jacky Debin, pour pouvoir continuer à amplifier ce travail de renseignement. Vous avez déjà beaucoup de documents, ça va continuer encore combien de temps ? Alors, ça va continuer pendant près d'un an à peu près, oui. Je dois dire, oui, effectivement, nous avons le feu vert, puisque le président Mitterrand a dit très clairement « je conserve cette affaire à la DST ». Nous l'avons dit en début d'émission, mais je le répète, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Ces documents ont continué à arriver pendant plusieurs mois. Les techniques de remise de documents, les techniques de transmission ont été mises au point. Nous avons commencé également les traductions, ce qui était un travail très très important, parce qu'il fallait le faire de façon clandestine, je dirais pratiquement dans le service. Et il y avait un seul traducteur pour 3000 documents, pour des raisons ça prend un certain temps. Pour des raisons de sécurité. Alors, tout de même, on se dit, voilà une affaire qui dure longtemps, un personnage contacté dès le milieu des années 60, qui vous recontacte au début des années 80, ça va durer 3 ans au moins, cette affaire. Les Soviétiques ne se doutent de rien, en l'occurrence. Vous pensez, à ce moment-là, qu'ils ne savent rien de ce qui est en train de se passer ? Vous en êtes convaincu, Raymond Nard ? Oui, je pense que... D'abord, il y avait un climat général répandu à Moscou que nous connaissions parce que, si vous voulez, on était en rapport avec un certain nombre de diplomates français qui nous disaient « Bon, nous ne sommes pas tellement surveillés. » En revanche, on savait par les Américains et par les Britanniques que eux, qui avaient conduit un certain nombre d'opérations avec plus ou moins de bonheur et plutôt quelques échecs à Moscou, étaient particulièrement surveillés. Or, les Anglo-Saxons surveillaient et la France, les diplomates français... Beaucoup moins, sinon... Et c'est quoi ? Ça, c'est l'héritage de la politique gaulienne qui voulait maintenir un entre-deux entre le camp soviétique et le camp américain ? C'est qu'il faut dire que les Soviétiques s'étaient aperçus que la France n'avait pas mis en place à Moscou un dispositif de recherche très de actif. Renseignement digne de ce nom, très actif, et qu'il faut dire que les chefs de la DGSE ils cherchaient pas tellement à se créer des difficultés en mettant un poste important là-bas qui aurait provoqué un certain nombre de difficultés parce que c'était effectivement très difficile d'opérer à Moscou. Alors, Jacky Debin, que découvrez-vous en particulier dans ces documents, une fois ces documents traduits, et j'imagine d'abord la personnalité de ceux qui sont des espions soviétiques à la fois dans notre pays, et pas seulement, parce que Vetrov vous donne une liste beaucoup plus exhaustive qui va jusqu'aux États-Unis et le reste de l'Europe. Oui, je dirais que c'est même essentiellement les États-Unis, puisque 74%, environ 74% des documents sont, portent sur des technologies militaires ou à vocation militaire américaine, qui sont pillées aux États-Unis, mais qui sont pillées également ailleurs, où elles sont un peu plus mal protégées, je pense par exemple en Inde. Donc, mais à 74%, ce sont des documents américains, ce qui est important pour la suite de l'histoire, l'histoire, évidemment, et les contacts qu'on va avoir avec les États-Unis. Alors, ce qu'on découvre dedans, la première chose, c'est l'ampleur du dispositif d'espionnage soviétique dans le domaine scientifique, technique et surtout militaire. Si vous voulez, on peut faire un rapprochement un peu aventureux avec l'affaire Snowden à l'heure actuelle. On savait que les Américains nous espionnaient, mais avec lui, maintenant, on sait quelle est l'ampleur de l'espionnage américain et on a des cas concrets. Et là, c'était la même chose, sauf que c'était limité au domaine militaire, qui est quand même un domaine important, non ? Surtout quand on est une puissance militaire comme la puissance française, en l'occurrence Raymond Nart. Donc, on découvre cela et ça va servir de monnaie d'échange entre la France et les pays alliés de la France, et en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne. Comment ça va se passer, justement ? Vous avez toutes ces données, tous ces faits qui sont accumulés, vous les avez analysés, et à partir de quand les transmettez-vous à vos alliés ? Alors, tout part de la rencontre du 14 juillet avec le dialogue entre Marcel Chalais et le président de la République. Marcel Chalais a fait valoir que ces renseignements étaient très importants pour les Américains. Il s'agissait de leur système de défense, de technologie de défense, etc. Donc la question était de savoir si... la question politique, s'il fallait mettre les Américains au courant des failles découvertes par les Soviétiques dans leur propre système. Et du projet soviétique de guerre des étoiles, par exemple. Soviétique. Parce que j'ai longtemps entendu parler de la guerre des étoiles voulue par Ronald Reagan, mais je ne savais pas que du côté de l'URSS, et il y avait des projets de ce type. C'est eux qui avaient pris l'initiative. Mais on savait par Farwell aussi que l'initiative, j'allais dire l'initiative de défense, enfin la guerre des étoiles soviétiques, posait tellement de problèmes techniques et financiers surtout, qu'elle obérait d'une certaine manière l'armement traditionnel. Donc tout part de ce dialogue Chalais-François Mitterrand. Et ensuite et la question a été de savoir s'il fallait informer les Américains. Et là, François Mitterrand a dit il faut les informer. Et j'ai une rencontre, c'était le 14 juillet, j'ai une rencontre à Ottawa le 19 juillet prochain, c'est-à-dire 5 jours après, et je vais en parler à Reagan. Et c'était la fameuse rencontre donc, du château de Montebello, où il y avait Reagan et le fameux sommet, à l'époque c'était des 5, je pense. Et Mitterrand a dit, je vais en parler à Reagan. Et donc, il convainc Ronald Reagan de sa bonne foi, que ça n'est pas parce qu'il a des ministres communistes au gouvernement qu'il va changer d'alliance, et au bout du compte, ça marche ? Et ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Ça, c'est la version officielle. La version officielle. En réalité, ça a été assez compliqué. Pourquoi ? Alors, ça a été compliqué parce que... alors, nous savons ça par les Américains qui nous l'ont dit a posteriori, bien sûr. La question était pour Reagan, effectivement, les ministres communistes. Et il avait une prévention, Ronald Reagan avait une prévention avant cette rencontre contre François Mitterrand. Et si vous voulez, la rencontre n'a pas été un tête-à-tête. En réalité, ça a été une rencontre à laquelle assistait le général Haig, qui était le patron de la diplomatie américaine, et le secrétaire d'État donc aux affaires américaines, et Claude Cheysson. Pour ce qui est de la France. Et alors, ça ne s'est pas très bien passé. Ronald Reagan n'écoutait pas ou écoutait mal. Et finalement, il n'a pas du tout compris. Il n'a pas du tout compris. Et dans les apartés... Il a fallu lui faire... Dans les apartés qui ont suivi, il a montré de la mauvaise humeur. Il a donné la lettre remise par François Mitterrand, il a donné ça au général Haig en lui disant « Vous donnerez ça à Bill ». Et Bill, c'était le patron de la CIA, Cazé. Et il voulait plutôt s'en occuper. William Cazé. Il a dit « Qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Je veux pas... » Ah, donc là, on a réécrit un peu l'histoire, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Et ensuite, ce n'est que plus tard qu'ils ont été convaincus de l'intérêt de ces renseignements. Si vous voulez, la suite, ça s'est passé le 4 août. 4 et 5 août. En réalité, la 81. Lettre... 81. La lettre qui a été remise par François Mitterrand à Ronald Reagan était également adressée à Bush, le vice-président George Bush, qui était connu de Marcel Chalet. Et ceci avait été préparé avec François Mitterrand. Et si vous voulez, par la suite, Bill Casey a bien compris de quoi, lui qui est un professionnel patron de la CIA, il a bien compris, il a remis l'affaire sur les rails, ouais. Il en a parlé avec Bush, et le 4 et 5 août, c'est une réunion de Marcel Chalet avec finalement le gratin du renseignement américain, NSA, FBI, CIA. Alors il faut avancer un peu dans le temps, dans cette affaire Farwell, avec vous, Raymond Nart et vous, Jackie Debin. Il va y avoir évidemment des décisions qui vont être prises. Il faudra attendre 1983 pour qu'on s'aperçoive des conséquences, pourrait-on dire, de cette affaire Farwell, des conséquences visibles en tous les cas pour ceux qui suivent un peu l'actualité, c'est-à-dire que alors que tout cela est totalement secret, ce qui est bien évident, il va y avoir des expulsions qui vont avoir lieu donc en 1983. François Mitterrand prendra la décision d'expulser 47 personnes donc du territoire français, de les renvoyer donc en URSS. En même temps, parce qu'on a un peu oublié ce personnage, que Vladimir Vetrov, lui, est déjà en prison et va subir un sort terrible, puisque c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il va commencer à être soupçonné d'avoir été celui qui transmettait les documents à la France, en l'occurrence, Jackie Debin. Oui, il va être soupçonné un peu plus tard. Il va être soupçonné 6 mois après cette expulsion. Il est déjà effectivement incarcéré, mais pour une affaire de droit commun, oui, sur laquelle on s'est beaucoup étendu. Alors l'expulsion, c'est une mesure qui est efficace et qui avait été utilisée à une grande échelle par les Britanniques en 71. Les fameux 105 et également. C'est fameux pour vous, mais pour les auditeurs, pas forcément. Oui. Également 105 soviétiques qui sont expulsés de Londres. Oui, suite à une défection. Mm-hmm. Alors, c'est quelque chose qu'on demandait depuis très longtemps, sans trop d'espoir. Bon, cette fois-ci, effectivement, le président Mitterrand a dit d'accord pour une expulsion massive. Je rappelle simplement que le nombre d'officiers opérationnels, j'ai dit opérationnels, je ne parle pas des supports, était le double de celui des effectifs que leur conseil sacré la DST. Voilà. Donc en expulsant les plus actifs, ça nous donne un certain répit. Et quand on expulse, en l'occurrence, Raymond Nart, on choisit qui on expulse, on va pas Jackie Debin, on n'expulse pas n'importe qui. Non, effectivement, on les expulse pour se donner du répit. Mais un signal que vous envoyez. Il y a un message aussi, un message qu'ils vont très bien comprendre. Par exemple, on n'a pas expulsé beaucoup d'officiers de la liste scientifique et technique. D'une part, pour ne pas renvoyer, qu'on soupçonne moins, Vladimir Vetrov. Et puis, en plus, il y a des domaines dans lesquels on était un peu démunis, qui sont difficiles, qui sont délicats, le domaine politique, par exemple. Il faut savoir que les efforts déployés par le KGB dans le domaine politique, de l'espionnage politique en France, étaient au moins aussi importants que celui qu'il déployait dans le domaine scientifique, technique et technologique. Donc, on a pris des gens du politique qu'on a expulsé, puis il y a d'autres lignes, les lignes des illégaux, les supports, etc. Donc, c'était un message, ils l'ont très bien reçu, parce que ce sont des professionnels. Alors, on peut penser que cette affaire est close, mais on a un peu oublié, je l'ai dit tout à l'heure, le personnage de Vetrov, qui va être arrêté pour d'autres choses. convaincu d'être celui qui a transmis les documents à la France, jugé et exécuté en 1985, c'est ça Raymond Nart ? Tout à fait. Alors, il faut peut-être dire que revenir un peu sur la personnalité de Vladimir Petrov, qui est un personnage fantasque, et on pouvait tout imaginer, on pouvait imaginer qu'il se fasse prendre, mais sauf qu'il se fasse prendre pour une affaire de droit commun, c'est-à-dire un crime. Il a tué, après une bagarre avec sa maîtresse, qui était une femme du service, dans une voiture, et il a assassiné un passant qui essayait de s'interposer. Il a blessé gravement sa maîtresse et il a été envoyé, à la suite de cette affaire de droit commun, après une instruction rapide, il a été envoyé en Sibérie. À Irkoutsk, en Sibérie. Alors, ce qu'il faut dire là, c'est que pendant cet épisode, si vous voulez, il n'a pas été pratiquement soupçonné, sauf que, naturellement, la maîtresse, qui était du service, encore une fois, elle a forcément parlé. Mais ils n'ont pas apprécié... C'est pas une façon de vous dédouaner et de dire qu'au bout du compte, votre défense a été percée, en l'occurrence, et c'est par l'intermédiaire de vos propres communications qu'on a pu savoir qu'il était un espion, en l'occurrence, Vladimir Petrov, Raymond Nart. Non, je ne crois pas. On peut tout imaginer. De toute façon, on ne le saura pas, vous pouvez me dire ce que vous voulez. On peut tout imaginer. Simplement, si vous voulez, on ne peut pas imaginer, en revanche, que sa maîtresse n'ait pas parlé. Ça, c'est absolument impossible. Donc, le temps qui s'est écoulé pour le faire revenir d'Irkoutsk, qui a duré plusieurs mois, qui a duré même 8 ou 10 mois, ce temps-là a été mis par le KGB, a été mis à profit pour faire une enquête complète sur l'inventaire des dégâts, parce qu'ils ont été complètement affolés quand il y a eu des soupçons. Ils ont voulu chercher des complices, etc. Et ça a pris beaucoup de temps. Et ils ont vu l'ampleur du désastre, si vous voulez, à ce moment-là. Et pour des raisons politiques, ils ont un peu temporisé. Voilà ce qu'on peut dire. Merci. On saura la suite en lisant votre livre commun, Raymond Nart et Jackie Debin, donc publié aux éditions Nouveau Monde. L'affaire Farwell, vue de l'intérieur. J'avais encore des dizaines et des dizaines de questions à vous poser sur ce travail d'espionnage et de contre-espionnage, mais 50 minutes n'ont pas suffi à épuiser le sujet. Merci encore à tous les deux d'avoir ouvert cette semaine consacrée donc à l'histoire des espions et de l'espionnage. Demain, nous parlerons d'une autre affaire célèbre des années 50, celle-là, l'affaire Rosenberg. Et mercredi et jeudi, nous évoquerons l'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale beaucoup avec Jean-Louis Crémieux-Briac mercredi et puis plus tôt dans le temps puisque nous traiterons de la question de la Renaissance, du Moyen-Âge et également de l'époque moderne dans l'émission de jeudi. Merci à tous les deux. Merci également. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Vincent René était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez l'écouter, eh bien vous pouvez aller sur notre site internet www.franceculture.fr. Cette émission donc est écoutable pendant 1000 jours après sa diffusion sur le site internet et également téléchargeable pour pouvoir l'emmener avec vous où vous voulez pendant un an après sa diffusion. Vous pouvez laisser des commentaires sur nos pages, bien évidemment, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter.